sûr, le moins j'assure le coup. C'est la tiquitou, carou, ultra braille, très bagne. Si on tombe toutes ces femmes, les blondes, les brunes, rousses, même les sauves, je bon nickel le fauve. Avec mon portable, planté sous la table, vibreur toujours actif, la main dans mon calbif. Bon flan, négatif, excellent, bon flan, négatif, excellent.